seigneur de ces lieux se lève lourdement, balayant du regard les restes du moment. Une carcasse d'antilope que se dispute encore les hyènes et les vautours qui viennent en. Ainsi que le lion, puisqu'il faut le nommer, repu et sûr de lui, conscient d'être au sommet, sort paresseusement de sa douce torpeur, se prend sa crinière d'un mouvement majeur. Dédaignant les pillards, il choisit dans la troupe qu'il balaye du regard une lionne parmi les autres, au corps souple et nerveux, vive et rusée, et qui pour la chasse en vaut deux. Sur son encolure, il laissera des traces. C'est ainsi que